émission, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Team BS. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap, la Team BS à l'honneur avec la Team Cindy ce soir. Bonsoir tout le monde. Ça va bien, ça va être plus calme, j'ai l'impression qu'hier soir, je sais pas pourquoi. Oui, ça va être beaucoup plus calme. Et pourtant, c'est une semaine particulière pour toi, Cindy. Eh oui. Ce soir, c'est mon anniversaire. C'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire, Cindy. Merci beaucoup, Fred. 19 piges. Eh oui. Comme le temps passe vite. C'est clair. Ça va? Ça va, ça tu va. Tu vis bien? Oui, très bien. Non, je dis semaine particulière parce que non seulement c'est l'anniversaire, donc bon anniversaire, plein de bonnes choses pour toi. Merci beaucoup. Et vendredi? C'est les résultats du bac. Résultats du bac. Il y en a plein qui sont dans le même état que toi, en fait. Ah non, mais en fait, c'est relou. C'est-à-dire que c'est même pas que j'ai peur de l'avoir ou pas, là, j'ai juste envie de savoir, en fait. Voilà, oui ou non, oui, ou voilà, rattrapage, ou. Vite. Mais a priori, bien parti. Je pense que je l'ai. Très bien, donc on suivra ça vendredi. Résultat du bac pour Cindy. Anniversaire ce soir. Et oui. Planète Rap ce soir, c'est ton aussi. Planète Rap. Aussi. C'est ton premier Planète Rap tout seul. On a réussi à dégager tout le monde, t'as vu? C'est vrai, il n'y a plus personne dans le studio. La fouine se reste à la maison. C'est parti. T'as loupé hier soir, je sais pas si t'as écouté, on était nombreux. Si, j'ai entendu quelque peu. Et c'est vrai C'était la team Sultan. Nombreuse. D'ailleurs, on va faire un petit replay de ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. Ce soir, Sultan, comment va? Tranquillement, et toi? C'est plus la team BS, c'est la team Sultan, là. Alors là. Cette semaine, ça va permettre de faire découvrir l'univers de chacun. De chacun, ouais. Le rap, tu l'as souvent expliqué ici, c'est ton frangin qui t'a mis dedans. Ouais, bah, ça a commencé en 97, hein. Donc voilà, on a commencé tout jeune. Mais je me suis pas dit à un moment, faut que je perce. J'ai toujours fait ça parce que j'aimais la musique. Sultan. Oui. Est-ce que l'équipe de Bagnuet est là aussi? C'est parti, le scorpion. Ça pleura, tu nous fais dépenter. Je vais te rétablir si messieurs sont pentés. Derrière le vent de partout, je vais rentrer. Vous allez vous camper. Par balle, j'ai les promesses adhérer. Par balle, j'ai les promesses adhérer. Mais dans le bras, dans lequel ça, nous la consacre. Ta gueule, mon air. C'est le style qui les dérange. Inspiré par Tita, on s'appelle. Mais c'est dire, c'est les seuls à concurrencer. Je vais croquer dans la pomme comme de temps. On est déjà à bord le vaisseau. On prend les couilles à tâcher. On passe pas de clé dans le vaisseau. Yeah. On va te faire du sale, ouais, on va te faire du sale, ouais. Ouais, ouais, c'est Chroma en direct, Skyrock. Bon, Soulou, toi. J'suis dans la gova, tu peux accélérer comme Jay Ova. Mon but c'est de tout gérer. Pas dans la demi-mesure, même sans la signature. J'baisse toutes ces pourritures, revoilà mon écriture. Grosse rota, j'arrête le bras. Grosse rota, j'arrête le bras. Grosse rota, j'arrête le bras. Grosse Amazonie, j'ai déjà son lien. J'ai déjà trop loin comme un Amazonie. Tu t'étais dit que c'était dans la ligne de l'album. Si BS m'a fait ramollir. Négos est trop bien des tours. Ils ont carrément pété. Arrêtez vos rendez-vous. Non, on fait des pédés. Voilà, c'était Bagneux. Bagneux au grand complet avec Sultan et toute son équipe. Ça, tu les as de temps en temps en studio, tous ou pas? Pas tous, hein. J'en avais jamais vu autant, en fait, pour être honnête. Jamais entendu autant. Bon, ce soir, ça va être donc plus calme avec toi, Cindy. Oui, tant mieux, on va pouvoir revenir aussi sur ce parcours musical, tout ce qui se passe depuis. Moi, je me souviens du Planète Rap, le premier Planète Rap Team BS qu'on a fait. Je me souviens que tu étais pleine d'émotions, tout ému. Oui. Tu disais, mais c'est voilà, tout ce qui m'est arrivé en l'espace de quelques mois. C'est clair. T'as eu le temps de prendre l'âme, parce qu'il y a eu quand même du recul un petit peu. Il y a du recul. J'ai pris beaucoup de recul et je me rends compte aussi, peut-être plus que j'ai beaucoup de chance. Et du coup, je le vis vraiment avec plein de bonheur. Parce que tous les jours, dès que je me lève, je me dis, j'ai trop de chance, quoi, tu vois. Et voilà. Mais c'est vrai que le premier Planète Rap, surtout la première fois où mon solo est passé en radio, c'est vrai que j'étais très émue. Parce que, Et en même temps, tu te dis, t'as passé 3 mois en studio et aujourd'hui, ça prend forme et t'as jamais espéré ça de ta vie. J'ai commencé sur un ordinateur, sur YouTube. Donc, forcément, c'est énorme. Il y a eu l'aventure aussi Popstar, justement. Ouais, c'est là où t'étais repéré par la Fouine qui faisait exactement partie du jury. Et puis, hop, direct en studio. Ça s'est passé comme ça, en fait. Clairement, ça s'est passé comme ça. Donc, au départ, Popstar, si tu veux, c'était vraiment... j'étais en cours quand je cherchais le casting. Et on cherchait avec mes copines un concours de chant, mais genre sur place, quoi. À Royan. Histoire de monter sur scène un peu, parce que j'aimais bien faire ça quand même. J'ai dû en faire 2 ou 3 dans ma vie avant le Zénith. Et...

C'est la Team BS avec Cindy ce soir pour son anniversaire. Elle est là dans Planet Rap entre 20 et 21. 19 piges. Voilà. Joyeux anniversaire, moi. Ouais, joyeux anniversaire. Ça me rappelle mes 19 ans. Il y a quoi? Il y a 6-7 mois, pareil. C'était ça. Ouais, c'était bien. C'est, je me doute. Tu vois, en route pour les 20. Bon, la Team BS avec Cindy, on en parlait juste avant, tiens, de balancer le morceau Ma Fierté. Tu disais, ouais, c'est vrai que c'est une année riche. J'ai appris beaucoup de choses sur la musique, notamment. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris ou le plus impressionné dans, voilà, dans ce milieu musical que tu côtoies depuis quelques mois maintenant? Je crois que ce qui m'a le plus impressionné vraiment, c'est à quel point j'avais été malade de stress avant le Zénith. Et au moment de franchir la scène, tout est parti, quoi. Et c'est un souvenir. Mais c'est juste. Donc ça se traduit comment, Cindy, en stress? Ça se traduit comment? Ça se traduit par des mal de ventre. T'as pas faim, tu vas aux toilettes tout le temps. Non, c'est. Et puis t'as chaud, t'as soif. Franchement. Et après, une fois sur scène, tu dis. Bah, c'est fini. Et quand c'est fini, tu dis merde, c'est déjà fini. Merde, c'est tout. C'est déjà la fin. Exactement, ouais. Et en fait, tu sors des scènes et t'as un gros coup de barre en général. Genre, tu manges et tu vas dormir. C'est fini. Mais ça va pas plus impressionné que ça, parce que voilà, on peut se dire. C'est... Étonnamment, non. C'est vrai que ça fait toujours quelque chose, hein. T'es devant 7000 personnes, tu te dis, voilà, t'as commencé sur ton ordi aujourd'hui, t'es là, maintenant on fait quoi. Et non, c'est vrai que voilà, j'ai été impressionnée, mais je m'imaginais être encore plus impressionnée que ça. Ce qu'il y a, si tu veux, c'est que ma première scène, c'était le Zénith, pour Team BS. Et. Je pensais voir les gens, tu vois, mais en fait, vu qu'il fait noir, tu vois les 3-4 premières rangées. Après, tu sais qu'il y en a loin, mais tu les vois pas. T'entends du bruit, tu sens un truc. T'écoutes qui chante avec toi, c'est cool, mais t'es là, mais vous êtes où? Bon, et tes copines avec qui t'avaient inscrite aussi sur le concours Popstar et tout, tu les vois encore? T'as eu le temps de les voir? Oui, oui, je les vois. Tu passes du temps un peu, justement, avec. Comme on peut, parce que voilà, comme je travaille aussi à côté sur Paris, et qu'en même temps, là, il y avait les révisions du bac et tout ça, bon, c'est vrai que. Les relations amicales ont parfois été mises un peu de côté. Maintenant, voilà, aujourd'hui j'ai un peu plus de temps et petit à petit, bah voilà, on grenoue, quoi. Mais elles ont toujours été là et tant que j'ai pu, j'ai été là aussi. Et même au niveau des cours, elles ont toujours essayé de m'aider à me prendre des cours, à m'appeler le soir pour me dire c'était ça aujourd'hui. Quand tu séchais, quand il y avait un moment où t'allais pas en cours, quand il y avait un zénith à faire. C'est ça. Quand il y avait plein de concerts. C'était un bon séchage quand même. C'était pas. Voilà. Bon, les profs, ça va, être tolérant, cool. Oui, ça va. Honnêtement, j'appréhendais beaucoup, hein, parce que je sais que j'ai des amis qui ont voulu se lancer dans la musique à côté et. Pour qui bah ça s'est arrêté parce que les profs ils tolèrent pas spécialement. Et moi j'ai eu la chance d'être dans un lycée assez ouvert où dès le moment à partir du jour où je suis allée en fait à j'avais ma convocation pour aller au casting, déjà ils savaient déjà que je chantais, donc du coup j'y suis allée et j'ai dit aujourd'hui je suis absente pour ça. Et petit à petit, j'ai ramené d'autres justificatifs. Après, il n'y avait même plus besoin de justifier. Mais c'est quoi, justement, avec le côté médiatique, le fait que tu sois vachement présente aussi en télé, aux côtés de la Fouine, aux côtés de la Team BS, t'as senti aussi qu'il y avait quelques regards qui changeaient dans la cour de récréation? Beaucoup. C'est vrai? Surtout après Popstar, et c'était même chiant, vraiment. Il y avait autant de la méchanceté que des bonnes choses, tu vois. Des gens jaloux, disaient, ouais, mais elle a trop changé, alors que absolument pas. Ou même des gens. Qui t'idolâtre du jour au lendemain et t'es juste quelqu'un de normal au final, surtout quand tu vas au lycée. Et c'est vrai que ouais, ça a été délicat, même les profs, hein, les regards changent. Les notes aussi ou pas? Les notes ont changé ou pas? Je suis plutôt fière de moi parce que pour mon premier trimestre, j'étais autour de 14 semestres, pardon. Par contre, bon, j'avoue que le deuxième semestre, j'ai un peu relâché. J'ai oublié les notes et je me suis concentrée sur le bac, tu vois. Je préférais, au lieu de venir pour 3 heures de cours, je préférais rester chez moi tant que je pouvais et réviser. Pour l'épreuve du lendemain, quoi. Donc forcément les notes, bon après j'ai toujours la moyenne, je vais être à 12, quoi, mais ça reste 2 points de perdu. Après bon voilà, les profs ont compris et je préfère avoir mon bac plutôt que d'apprendre encore des choses qui... Eh bien, résultat vendredi, ce sera peut-être encore un deuxième cadeau d'anniversaire. Exactement. Voilà, comme vendredi. Ça, je fais tout d'un coup, et tout d'un bloc. Bon, bah, écoute un morceau extrait du projet Team BS. Mon morceau préféré. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Je sais pas. D'accord. Parfois, on sait pas pourquoi, mais. C'est mon morceau. Le morceau, c'est 1, 2, 3? 1, 2, 3, c'est parti. Allez, on le balance tout de suite sur Skyrock. 1, 2, 3. J'ai pas le syndrome de celle qui pardonne. 1, 2, 3. J'ai la peau de ma main qui démange. 1, 2, 3. On m'avait pourtant mis en garde. 1, 2, 3. Phénomène bizarre. Ça y est, t'as chuchoté tes excuses. Recommence. Arrête de te chialer dessus. Franchement, je me fous un peu de ce que tu penses. Je crois que t'es bizarre. Tu n'en finis pas. Arrête de répéter, t'as rien fait. Non. Arrête de t'enfoncer. T'es bizarre. Ça n'en finit pas. Arrête de me harceler, de me rappeler, j'ai déjà raccroché. Chut. 1, 2, 3. J'ai pas le syndrome de celle qui pardonne. 1, 2, 3. J'ai la peau de ma main qui démange. 1, 2, 3. On m'avait pourtant mise en garde. 1, 2, 3. Phénomène bizarre. Ayo, stop. Cherche pas à savoir avec qui je couche. Comme les doigts du pianiste, elles sont sur la touche. 1, 2, 3, j'irai dans les bois 4, 5 en M6 ou en M3. On parlera plus tard, stop, l'aime est pas là. L'ambiance devient chelou, comme Anna Montana. Ayo, ayo, DJ, mets du fouini fouini. On veut le boule à niki niki, faire des milliers. Ayo, stop, non, je veux pas savoir avec qui tu crèches. Et même si je suis chauve, je sais que t'es de mes 7, 8, 9 qu'on nous applaudisse. Sois pisse, fais-lui un kiss, on a la notice. Y'en a, c'est pilé, pilé, fouini, faut filer, filer. L'ambiance ici n'est pas halal, je commande à filer, filer. Tu vas tourner en rond comme la boule à facette. J'arrête de cuisiner, t'es pas dans ton assiette. 1, 2, 3. J'ai pas le syndrome de celle qui pardonne. 1, 2, 3. J'ai la peau de ma main qui démange. 1, 2, 3. On m'avait pourtant mise en garde. 1, 2, 3. Phénomène bizarre. 1, 2, 3. J'ai pas le profil de celui à qui on pardonne. 1, 2, 3. J'ai mal, j'ai l'oreille droite qui résonne. 1, 2, 3. On m'avait pourtant mis en garde. 1, 2, 3. J'ai la gueule du connard. J'en ai fini avec ce bolos. Pisse de danse. Moi et toutes mes folles, on bouge nos cheveux dans tous les sens. Je crois que c'est bizarre, tu n'en finis pas. Arrête de répéter que t'as rien fait. Non, arrête de t'enfoncer. T'es bizarre, ça n'en finit pas. Arrête de marceler, de me rappeler, j'ai déjà raccroché. 1, 2, 3. J'ai pas le profil de celui à qui on pardonne. 1, 2, 3. J'ai mal, j'ai l'oreille droite qui résonne. 1, 2, 3. On m'avait pourtant mise en garde. 1, 2, 3. J'ai la gueule du connard. 1, 2, 3. J'ai pas le syndrome de celle qui pardonne. 1, 2, 3. J'ai la peau de ma main qui démange. 1, 2, 3. On m'avait pourtant mise en garde. 1, 2, 3. Phénomène bizarre. 1, 2, 3. C'est extrait de la Team BS avec Cindy, notre invitée ce soir entre oui. 20 et 21. Toi, Cindy, la musique, t'es venue comment, toi, la musique? Alors, je voudrais juste faire une petite annonce. Sur... le clip 1, 2, 3 arrive très vite. D'accord. Voilà. Tu as raison de le préciser. Dans quoi? Dans les jours ou les semaines? Dans les semaines. Dans les semaines à venir, vraiment. 1, 2, 3. Rapide, quand même. Voilà. D'accord. Donc, très vite. Dans les semaines à venir. Oui. Non, là, je vais revenir sur toi, justement, sur ton parcours. Comme oui. Ce soir, tu es débarrassé de tout le monde, de Sultan, la Fouine. Un peu tranquille. On est bien encadré. Hier, on avait Sultan. Demain, on aura Fababi. Bon courage. J'ai été la pause, en fait. Ouais, c'est ça. C'est une petite pause, mais une petite pause qui fait du bien pour ton anniversaire d'être avec nous. Je vais revenir sur ton parcours musical. Oui. Parce que juste avant de t'inscrire pour Popstar, tu chantais un peu, donc c'était plus de la passion. Oui. C'est qui t'a amené, toi, à la musique, à chanter, à avoir l'envie de chanter? Personne. Je pense que je l'ai fait toute seule. Parce que quand j'étais petite, déjà, je pense, les bébés, ils dansent un peu, tu vois. Et mon premier cadeau, enfin, le cadeau dont je me rappelle vraiment, je crois que c'était pour mes 4 ans ou un truc comme ça. J'avais reçu, tu sais, une petite chaîne Hi-Fi pour enfants où tu mets une cassette. Et t'as un petit micro. Ouais, t'as le petit micro. Moi, je me mettais sur la table basse en train de chanter et voilà. Et je pense que ça a commencé. Généralement, comme parce que quand t'as 4 ans, tu craches bien dessus, ouais, tu baves bien dessus. T'en mets bien partout. C'est bien juste aussi. Et si tu veux, donc je regardais les dessins animés, mais je chantais tous les génériques. Et après, petit à petit, très tôt, j'ai commencé à regarder les clips et à arrêter de demander les dessins animés. Dès que mes grands-parents ou mes parents partaient, moi je mettais la télé avec les clips. Et c'est quoi la première claque musicale, le premier artiste ou le premier son dont tu te souviens vraiment? Je crois que c'est Beyoncé ou les Destiny's Child. Je me rappelle plus. L'époque Destiny's Child, ouais. Ouais, c'est à ce moment-là. J'étais amoureuse de Billy Crawford, mais bon, je pense que comme toutes les petites de mon âge, on est toutes passées par ça. Billy Crawford. Ouais. J'avais le livre Les Secrets de Laurie aussi. Très bien, mais de la bonne littérature, c'est parfait. Ouais, c'est... Et aussi, j'aimais bien d'autres artistes. Tu vois, j'étais vachement éclectique déjà parce que j'aimais bien Pascal Obispo et Hélène Segarra. Mais genre, j'étais fan. Hein. Donc, c'est quoi? Plus pour le côté voix? Plus pour. Je sais pas, j'aimais bien. T'essayais d'imiter, tu rechantais un petit peu ce que tu voyais. Oui, oui. Je me rappelle pour Hélène Segarra, c'était Elle, tu l'aimes. Bon, eh bien, on va l'éviter pour ton anniversaire. Hein, laissons la pauvre Hélène là où elle se trouve, se rétablir de tout. Et donc, toi, ouais, tu te souviens par contre la première fois où tu rentres en studio, c'est pas avec la Team BS, t'avais commencé à enregistrer déjà un petit peu ou si c'est. La première fois où tu côtoies le studio, la première fois où tu vas rentrer en studio. Bon, la toute première fois, c'était à Ronces-les-Bains, à côté de chez moi. Et je faisais partie d'un petit groupe, mais quelque chose qui n'a pas duré très longtemps, malheureusement. Je leur fais quand même des gros bisous. Et, ça s'appelait comment, le groupe? Le groupe ITA. ITHA. Alors là, j'ai été la chanteuse aussi. J'ai toujours été chanteuse dans les groupes. Et si tu veux, on avait fait vite fait une maquette. Mais j'avais pas eu la même émotion que j'ai eu quand je suis rentrée en studio pour la première fois pour mon album, avec ma chanson dans les mains, quoi. Mmh. Tu vois. Et quand tu finis de l'écrire et que tu rentres chez toi, tu dis waouh. Non, et puis là, tu découvres aussi un autre truc. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le côté un peu plus professionnel. Mmh, voilà, c'est donc ça, c'est, exactement. C'est quelque chose, voilà, un petit peu impressionnant au début, et puis finalement. C'est un peu impressionnant, et après tu connais, donc t'es plus impressionné. Ça fait partie aujourd'hui plus de mon quotidien que de, tu vois. Là, t'es en studio pratiquement. En ce moment, je suis en studio. Ouais. De manière quotidienne, pratiquement. Quasiment, ouais, parce que je prépare mon album. Mmh. Et ouais, mais j'y suis souvent en ce moment. C'est mais quoi, j'aime beaucoup moi. T'écris aussi? J'écris. Je suis pour le moment, je travaille avec Scalp. J'écris et il compose et on fait. Et voilà. Bon, t'as pas choisi le, c'est, voilà, le plus mauvais. J'ai choisi quelqu'un de très bon quand même. Salut Scalp, ouais, grave. À toute l'équipe. C'est ça. Premier extrait, ce sera quand? Les gars, je vous ai un peu zappé. Bon, on aura le temps de dédicacer, t'inquiète. C'est vrai. On aura le temps. C'est quand le premier extrait? T'as une idée ou pas, toi, de? C'est pas encore. On est en train d'en réflexion. Ça réfléchit même dans le studio, c'est incroyable. C'est ça. La musique va vite maintenant. Exact. Non, on est en. On réfléchit. Bon, dans quelques minutes, on va revenir. Qu'est-ce qu'on met comme morceau, Cindy? Justement, on va parler de mon premier single. Donc, c'est celui que j'ai écrit toute seule. Mmh. Je suis en featuring avec La Fouine dessus. Et je vais vous envoyer Mon Destin. C'est la première chose qui est sortie en studio. C'est de ma part. C'est celui qu'on avait passé dans Planète Rap, justement. Oui. Non, c'était Mes Couleurs. Ah, c'était Mes Couleurs, oui, qu'on avait passé dans Planète. Vous m'avez le plus ému et voilà, Mon Destin. Bon, il y aura peut-être Mes Couleurs aussi. Après. Ouais, ouais, voilà, allez, exactement. On fera d'une pierre deux coups. Bougez c'est pas, ça. On revient dans un instant. Inscription pour faire le freestyle 41759. Inscription pour la roulette, pareil avec les SMS ou alors l'application Skyrock. Et on revient dans un instant, bougez pas. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. Premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap Team BS. 3, 4, 5. You listen to Skyrock. Comme toi. La Fouine et Team BS ont choisi Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est Planète Rap, Team BS, toute la semaine avec l'album Disque d'Or. Et chaque soir, un des membres de la Team BS est là ce soir. C'est Cindy pour c'est son moi. Anniversaire en plus ce soir. Envoyez plein de messages, allez-y balancer avec le hashtag Team BS sur Skyrock 41759. On va écouter un morceau. C'est parti. C'est tes cadeaux d'anniversaire, voilà, donc tu choisis ce que tu veux. J'en parlais tout à l'heure du premier single que j'ai enregistré et toujours avec la Winnie en featuring. Donc on envoie Mon Destin, je pense. Et bah Mon Destin, c'est parti maintenant sur Skyrock. Tous ces rayons de lumière, cette nouvelle vie qui s'offre à moi. J'en ai rêvé, tellement rêvé, les yeux rivés au ciel. J'ai trouvé en vous la force pour affronter mes peurs. Lancer mon amorce, écouter mon cœur. Les étoiles te regardent ce soir. Crier au monde entier, tu es né pour briller. Foncer, fais mentir tous ces regards. Un livre, une belle histoire. Les étoiles te regardent ce soir. Tu es né pour briller, foncer, fais mentir tous ces regards. N'hésite pas à croire en ton destin. Si les portes se ferment, il en reste plein. Tu es né pour briller, pour voir les foules crier. Depuis le départ, ta musique parle même aux muets. De tout toutes les couleurs, tous tes mots sont d'étoiles. Si l'échec casse la boussole, tu peux suivre les étoiles. Ton talent laisse des traces et tout le public a suivi. Funny, funny, babe, l'avenir s'appelle Cindy. C'est la Team BSC, extrait de l'album Disque d'or avec Cindy ce soir entre 20h et 21h dans Planète Rap, ce morceau. Voilà, c'est la toute première fois où tu vas rentrer en studio pour enregistrer pour la Team BS. Ça commence. Tu te souviens ce moment particulier? Je m'en rappelle, ouais, parce que j'étais avec mes grands-parents. Et au départ, c'était absolument. Enfin, pour moi, dans ma tête, je venais pas pour enregistrer, je vais réussir à parler. Parce que la Uni m'avait appelé 15 jours après l'émission, enfin la fin du tournage. Et il m'avait dit, bah monte à Paris, il faut qu'on se voit. Mais je pensais que. Mais tu savais pas pourquoi? Non. Et puis quand il m'a promis à la télé que voilà on allait se revoir et tout, je me suis dit non mais rêve pas, il dit ça pour la télé, il y a pas de. Et après je vais retourner à Royan. Très déçu aussi de accepter une défaite, c'est compliqué pour n'importe qui et encore plus quand c'est un truc dont tu rêves. Tu vois, j'étais arrivée limite aux portes de la finale et on me dit non, c'est fini. Mmh. Et ça fait chier quoi. Et donc du coup vraiment je l'ai mal vécu. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit non mais arrête, c'est bon, j'ai envie de lui dire, mais même lui dire arrête, c'est pas la peine de arrête de mentir quoi. Et finalement non. Et finalement, promesse tenue. Voilà, promesse tenue, et j'en suis vraiment, vraiment heureuse aujourd'hui. Quand il t'appelle, c'est à quel moment il va t'annoncer que voilà, il a l'idée de faire la Team BS avec ce temps Fababi? En fait, il me l'annonce pas directement, c'est quelqu'un qui arrive avec des contrats, et là je comprends que c'est parti. Ah ouais, d'entrée de jeu quoi. Comme ça. Mm. Mais pas tout de suite, hein. J'avais déjà passé une journée en studio, on avait discuté, je me rappelle, il y avait eu des médias qui étaient venus pour une interview, vu que c'était la première, et on avait pareil entendu parler de moi après l'émission, donc voilà. Et toi, l'idée de voilà de faire partie d'un groupe, de former un groupe. En fait, ça nous est venu, si tu veux, pareil. Je sais même pas pourquoi j'étais en studio ce jour-là. Enfin, je me rappelle plus en fait. Et il se trouve qu'on s'est retrouvés tous les quatre avec dans le même studio avec Sultan, Fababi et la Fouine. Donc la Fouine, je connaissais déjà. Fababi, je l'avais vu une ou deux fois. Sultan, je le découvrais complètement. Je l'avais jamais vu. Enfin, donc tu vois des mecs qui se chambrent en permanence. Complètement. Et je me dis putain, mais je suis où là? Et finalement, en fait, je vois qu'il commence à composer, mais moi j'étais en train de manger, donc j'ai pas spécialement porté attention. Et là, Laouni m'appelle, il me dit tiens, bah essaye ça. Donc je me mets en mode de studio, je chante, et après je me rends compte qu'en fait on est quatre. Mmh. Et ce morceau, bah on l'aime bien. On l'aime bien. Il y a des bonnes ondes bien positives quand on est dans le studio et qu'on l'écoute, et même on danse, on est content. Donc on s'est dit pourquoi pas. C'est pas un truc qui t'a entre guillemets refroidi quand voilà tu sais que tu vas faire partie d'un groupe alors que peut-être espérer une carrière solo dans un premier temps. Absolument pas, parce que c'est bien de démarrer une carrière solo si tu veux, mais comme de base j'avais un problème de confiance en moi, je me voyais pas toute seule assumer la scène. Donc je me suis dit là t'es avec quatre grands, enfin trois grands. Mmh. Donc du coup ils vont t'aider. Et en fait, c'est ce qui s'est passé depuis un an. Ils font que ça, quoi. Ils m'aident. Je suis épaulée. On me dit, là, faudrait plus que tu fasses ça que ça. C'est une petite frangine, quoi. Exactement. Mais dans tous les rapports, hein, que ce soit professionnel ou amicaux, voilà. Je suis très, comment dire, défendue. Voilà. Bon, et le fait, voilà, découvrir aussi la notoriété avec ce qui va avec. On l'a évoqué un petit peu avec le côté négatif aussi. Ouais. Les critiques, c'est un truc qu'on vit comment? Honnêtement. T'arrives à passer les premières. Honnêtement, non. C'est dur. C'est toujours compliqué parce que t'arrives au départ, t'es tranquille dans ta petite vie et d'un coup tout change. Et le regard des gens aussi. Et autant tu reçois des choses positives et même ça te gêne un peu parce qu'à la base, bon, je suis quelqu'un de très très simple. Et encore plus les critiques parce que tu sais que tu dois être plus fort et pas répondre. Mmh. Mais il y a certaines personnes quand même, voilà. Il y a certaines personnes qui peuvent arriver à te toucher. Enfin, aujourd'hui, non, tu vois, mais au départ, mais je voulais même plus aller sur internet, quoi. C'était bon, et après tu vois aussi la différence entre ce qu'on peut voir sur internet et ce qui se passe vraiment quand vous faites des scènes. C'était le cas avec le Zénith, c'est le cas même là encore, là je sais, on en a parlé un petit peu cette semaine, mais je le voyais récemment la fête de la musique où quand vous êtes apparu sur scène, bah c'était ça a tout de suite dynamisé la foule. On était super, c'était une super scène, j'ai adoré. Vraiment, on était nombreux en plus. Ah bah ouais, Montpellier, je sais plus combien, mais... C'était bien blindé, ouais. Une dizaine de milliers peut-être. Hein. Et bah très bien, bah, l'aventure continue avec Cindy, on va passer à un autre morceau. Exactement. On va mettre le Mes Couleurs dans le... C'est parti, ouais, on va mettre Mes Couleurs. Dans un instant, mais juste avant, on accueille, puisqu'il est grand temps de passer maintenant au freestyle par téléphone, on accueille Mino de Clermont-Ferrand. Salut Mino, comment ça va? Oui, je m'en comprends. En pleine forme? En pleine forme. Bienvenue pour le freestyle par téléphone dans cette semaine spéciale Team BS, tu es prêt à rapper Mino? Ouais, je suis prêt. Eh ben on y va mon pote, je balance l'instru, c'est parti. Vas-y. 1. Ok, Mino. F, B, C. 1. Sec, ok. 1. Même si pas trop, beaucoup se prennent pour les patrons. La musique a ses codes, remballe tes phrases en carton. Je viens pour tous les mettre d'accord. Et ça que tu veux ou non, le jour où signe un major, partout t'écouteras mon son. Check, tes textes ne sont que succession de mensonges. On peut faire de la spéléo, tellement t'as la gorge profonde, j'arrive. Donc prends tes distances, tu me parles de retour, personne n'a remarqué ton absence. Je crache ma haine dans la cabine sous ton visage. C'est un appareil dentaire qu'on garde dans et pas un tisage. J'envisage à brasser des liasses depuis mon plus jeune âge. Fini l'enfant filiale. 1. N-I-N-O, je vise la lune. On vit dans un monde où les hommes ne parlent qu'avec les thunes. Au niveau des études, j'ai perdu confiance. Je vais prendre série réels pour avoir une longueur d'avance. Et ouais, je kiffe sale. Mon rap est explicite, je vais sur toutes les compiles comme parental à la vie. Story. Et gros, t'es calme, raconte-moi pas tes stories. Je veux le beurre, la laitière et sa trésorerie. Ok, Nino, à l'instant en freestyle de Clermont-Ferrand, merci à toi mon pote. Oui, oui. Bon, petit dédicace, petit message à passer, vas-y, hein, c'est le moment où je mets. D'abord, je voudrais demander un truc à toi, Fred. Vas-y. C'est quand tu viens à Montluçon? Eh ben, avec plaisir. La rentrée, promis. La rentrée? À la rentrée, promis, entre septembre et décembre, je peux pas donner de date exacte, mais je vais revenir, c'est vrai qu'on est passé un bon moment. Tu faisais partie de l'équipe, et ben voilà. Écoute. Ouais, parce que là-bas, on t'attend plus, on demande plus quand tu vas revenir. Promis, je reviendrai là. Avant la fin de l'année. Ah, vas-y, bon, pas de soucis. Bah, je voudrais passer des petites dédicaces. Déjà, je vais passer une grosse dédicace à Nora. Ouais, j'ai vu les messages. Elle balance déjà plein de messages pour toi, Nora. Fais un bisou. Après, je vais passer une dédicace à tous mes gars d'FBT, à Skyne, Brasi, Braco, mes books, toujours un de mes équipes. Je vais passer une grosse dédicace à César, ma famille qui m'écoute. Après, je peux balancer des liens vite fait. Vas-y, balance. Bah, vous pouvez me suivre sur Facebook. Vous tapez NINO dans votre barre de recherche, vous allez trouver ma page Facebook. Sur YouTube, c'est Nino FPT. Et vous me suivez sur Twitter aussi, c'est Nino CRF. C'est tout. Eh ben, ça roule. À bientôt, Nino. Vas-y, plus. Eh ben, si on se parle pas avant les vacances, passe de bonnes vacances. Vas-y, toi aussi. Je sais pas si tu bouges de Clermont, si tu vas ailleurs, mais voilà. Non, je vais bouger, moi. Ok, ça roule. Vas-y. Merci à toi, Nino. Vas-y, merci à toi. Merci pour le freestyle. Je rappelle également que pour s'inscrire, pour faire le freestyle par téléphone, 41 759, demain soir ce sera la team Fababy et vendredi avec la Fouine qui va nous parler du film. Tu l'as maté le film toi? Pas encore. Bah, avec le bac, j'ai pas vraiment eu le temps. Bon, ça sort mercredi prochain, ouais. Et on aura l'occasion d'en parler vendredi. On écoute le morceau Mes Couleurs, c'est parti. Allez, Mes Couleurs, extrait de la team BS. Dans les yeux de ces hommes, toutes ces plaies si dures à cacher. Dans les yeux de ces gens qui s'étonnent et qui s'aime au second degré. J'ai vu dans les yeux de ce jeune le rouge de ses souffrances répétées. J'ai vu dans les yeux de ces peuples le bleu de la liberté. On en voit de toutes les couleurs, du vert, du rouge, du bleu. Et j'ai vu dans toutes ces couleurs que l'on s'aime, que l'on peut si on veut. J'ai vu dans les yeux de cette fille le reflet de mes yeux mouillés. J'ai vu sur cette photo abîmée les vestiges du bonheur passé. Je n'ai rien vu dans les yeux de mon père que que le vide d'une île abandonnée. Tu ne verras dans mes yeux que le vert des pelouses où j'aimais jouer. On voit de toutes les couleurs, du vert, du rouge, du bleu. Et j'ai vu dans toutes ces couleurs que l'on s'aime, que l'on peut si on veut. On en voit. Ah, je me souviens de l'émotion quand on avait passé ce morceau dans Planète Rap. Oui, oui, la première petite fois. Larme. La petite larmichette lors de la découverte de l'album de Tim Bass il y a quelques mois de cela. Ouais. Bah voilà, là, ça va mieux, hein. Oui. Bien sûr. C'est passé, là. Ça va. Mes couleurs à l'instant. Tiens, parlons un petit peu à venir. Donc, t'es en studio. Oui. T'es en train de bosser avec Scalp. Oui, pour mon album. Pour l'album. Oui. Quelle couleur musicale un petit peu Pop. Pop. Plein de choses avec des musiciens avec... Oui, peut-être. En passant par plein de styles de musique, j'ai envie de mélanger un peu de tout. Donc je vais faire peut-être un peu de trap, un peu de dubstep, un peu de tout. T'arrives à avoir une vision de ton avenir musical? Pas du tout. Ça, c'est quelque chose... on sait pas, en fait. Soit ça démarre, soit... Mmh. Voilà. C'est un truc qui te fait peur un peu ou pas? Oui, un peu quand même. Un petit peu. Mais... Ouais, non, si ça fait peur. Un peu flippant de se dire, bon, voilà, ouais, là, je viens d'un truc. Là, t'es toute seule, quoi. Mmh. Là, pour le coup, avant, il y avait la fouine, enfin, Babi ou Susan pour rattraper. Ben là, non. C'est toi et ta chance, quoi. Mmh. Ben, ça bosse, en tout cas, dur voilà, pour ça. Voilà, exactement. Il y aura un premier extrait qui arrivera là dans. Très vite. Très vite. Peut-être à la rentrée, je pense. Peut-être. Ouais. Ce sera à suivre. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, le clip aussi, hein, d'un, deux, trois. Le clip d'un, deux, trois qui arrive très prochainement, dans les semaines. Parce que l'aventure Team BS continue. Il y a un prochain concert, d'ailleurs, c'est dimanche, oui. 6 juillet. Loupez pas. Si vous êtes du coin du Parc Saint-Paul, si exactement. Je dis pas de bêtises. Non, tu as raison. Vous verrez la Team BS en concert. Avant de se quitter, on va mettre encore un morceau. Écoute, tu as le choix, ce que tu veux. J'en verrai bien jamais assez, moi. Jamais assez? Pourquoi? C'est un de tes morceaux pareils préférés? J'ai bien aimé l'enregistrer celui-là. Ouais, très bien. Jamais assez, c'est extrait de Team BS, l'album et disque d'or. Cindy avec nous ce soir dans Planète Rap. Je veux leur salaire. J'avais ma liberté, il a fallu que je me décèle. J'avais trouvé une halal, il a fallu que j'ai des siennes. Si un jour c'est Nabila, je voudrais voir ce que donne IM. Loin l'époque des biberons, on fait des Matusalem. Une signature à Sony, j'en demandais pas autant. Je sais pas pourquoi je me plains, pourquoi je suis jamais content. Je voulais les Nike, maintenant que je les ai. Je veux les Anoti, je voulais la Porsche. Maintenant que je l'ai, je vais pécho la Maserati. J'ai beaucoup changé depuis l'époque du marché Opus. Je sais pas ce que j'ai ma gueule, mais voilà, j'en veux toujours plus. Jamais content, rarement tranquille. Je rêvais de me marier, mais depuis ce jour, je cours après les filles faciles. Une suite dans le tourbus, j'en demandais pas autant. Je sais pas pourquoi je me plains, je sais pas pourquoi je suis jamais content. Je suis jamais content, je suis jamais content. Même si les portes se ferment, je résiste. Je ne serai jamais celle qu'on assiste. Un pas en avant, je cherche mon chemin. Même s'il faut du temps. Combien de montagnes j'ai dû soulever. Même quand je gagne, c'est jamais assez. Un pas en avant, je cherche mon chemin. Même s'il faut du temps. Quelques zéros de plus ou de moins, ce sera jamais assez. Émission télé ou zénith plein, ce sera jamais assez. J'en viens à me demander pourquoi tu te plains. T'en as jamais assez. T'en as jamais, t'en as jamais, t'en as jamais assez. J'avais pas de quoi rentrer en boîte, mais non, me paye pour y aller. Hier t'étais mon ennemi, aujourd'hui mon allié. On me faisait monter sur scène, maintenant on cherche à me descendre. Je rappais par passion, maintenant ma vie en dépend. La chance sort de nulle part sur la vue du suspect. Hier j'étais en gardable, là je me notais au succès. Mes ambitions me creusent, enterrant ma raison. J'ai une vie, je veux une région, j'ai une bande, je veux une légion. L'être humain veut toujours plus en devenir avare. Du terrain à l'hectare, je veux plus frimer le nectar. Je veux plus frimer le nectar. Même si les portes se ferment, je résiste. Je ne serai jamais celle qu'on assiste. Un pas en avant, je cherche mon chemin. Même s'il faut du temps. Combien de montagnes j'ai dû soulever. Même quand je gagne, c'est jamais assez. Un pas en avant, je cherche mon chemin. Même s'il faut du temps. Quelques zéros de plus ou de moins, ce sera jamais assez. Émission télé ou zénith plein, jamais assez. J'en viens me demander pourquoi tu te plains. T'en as jamais assez. T'en as jamais. T'en as jamais. T'en as jamais assez. Je voulais ce que tout le monde avait, maintenant je préfère les protos. Je voulais avoir un numéro, maintenant les chiffres du loto. Après avoir eu leur bague, elles demanderont la lune. Je voulais un simple article, maintenant je veux faire la une. J'étais bien dans mon cartable, j'ai besoin d'un sac élevé. C'est pour être terre à terre, mais j'ai besoin de m'élever. Faire le tour de la France, j'en demandais pas autant. Je sais pas pourquoi je me plains, pourquoi je suis jamais content. Même si les portes se ferment, je résiste. Je ne serai jamais celle qu'on assiste. Un pas en avant, je cherche mon chemin. Même s'il faut du temps. Combien de montagnes j'ai dû soulever. Même quand je gagne, c'est jamais assez. Un pas en avant, je cherche mon chemin. Même s'il faut du temps. Quelques zéros de plus ou de moins, ce sera jamais assez. Émission télé ou zénith plein, ce sera jamais assez. J'en viens me demander pourquoi tu te plains. T'en as jamais assez. T'en as jamais. T'en as jamais. T'en as jamais assez. C'est Skyrock et c'est Planète Rap avec Cindy ce soir dans l'émission entre 20h oui, et 21h pour ton anniversaire. Qu'est-ce qu'il y a de prévu ce soir? Grosse fête, léger. Je pense que limite je vais plus faire ça vendredi, tu vois. Ah oui, ben. Vendredi pour le doubler, soir avec les résultats du bac. Pour le doubler, voilà. Résultat du bac. Bon, Cindy, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir? Voilà, que ça marche, que ça continue. Que ça marche. Que ça marche. Que l'aventure continue. Que ça continue surtout, ouais. Que ça continue très longtemps. Et que je sois toujours autant passionné. Eh ben écoute, c'est ce que je te souhaite. En tout cas, merci d'être passé ce soir. Juste avant de se dire au revoir, on va faire tourner la roulette. C'est parti. Skyrock offre le DVD Pompéi et plus d'une GoPro par jour. La roulette qui tourne maintenant avec Benjamin du côté de Nantes. Comment ça va, Benjamin? Ça va très bien, Fred. En pleine forme? Ah, c'est une forme. C'est toujours bon, Skyrock. C'est eh ben, nickel. Bienvenue à l'antenne. T'es les vacances pour toi, Benjamin? Ouais, bonjour, Cindy. Ah bah salut à toi Benjamin. T'as vu, j'ai fait la voix de Cindy aussi bien, hein. Ouais, bien. Bon, tu pars en vacances ou pas, Benjamin? Mexique, demain. Oh, limite, j'ai envie de raccrocher tout de suite. Salut, on t'entend plus. Allô, Benjamin, tu n'es plus là, tu es parti. Et puis, mariage de mon frère. Ah, en plus, tu fais un doublé, bah parfait, écoute. Magnifique, bah plein de bonheur à ton frangin. Et à celle qui l'épouse. Et puis la roulette qui tourne, dès que tu veux, tu dis stop. C'est parti, mon pote. Stop. La roulette qui va s'arrêter pour toi, Benjamin, sur la case, c'est... Benjamin, dès ton retour du Mexique, tu pourras mater Pompéi, le film qui arrive en DVD du côté de Nantes. Il est pour toi, mon pote. Ouais, merci. Eh ben, de rien. Je te souhaite une bonne soirée. Petite dédicace, petit message à passer. Un message à tous les Mexicains et à tous les Français quand je serai là-bas. Ok, ça roule. Bah, profite bien. T'arrives où, Cancun? Tu vas où? À tout là, 100 km au-dessus de Mexico. Eh bah terrible, bah profite bien en tout cas. A plus, Benjamin. A plus. Oui. La Team BS avec Cindy pour aller les dernières minutes. Merci Cindy. Il n'y a pas de problème, c'est bon, avec grand plaisir. Un petit dodo, ouais, quoi, pour un petit coup de barre. Un petit coup de barre. Oui, écoute. Bah, attends, l'aventure commence là, avec ton anniversaire ce soir. Merci en tout cas d'être passé. Demain, merci à toi de m'avoir accueilli. Ton merci collègue de la Team BS, aussi. Ton grand frère Fababi qui sera là. Un petit message bon pour courage. Lui ou pas? Ouais, bah plein de courage pour Fababi. Qu'est-ce que je dois savoir sur Fababi avant qu'il vienne demain? Il n'y a pas un petit dernier truc à balancer? Quel est le dernier dossier en date qu'il faudra avoir sur Fababi? mais c'est plus sur Sultan que j'en ai envie. Ah merde. Bah, balance toujours en même temps, vas-y. Ouais. Ah, t'as Sultan, les photos en fait, à chaque fois qu'on voyage ensemble, tu peux être sûr que j'ai une photo, un selfie avec lui où il dort. C'est obligé. Ils pourtant, chaque fois, ils me regardent en mode de, non, mais je craquerai pas, c'est mort et tout. À chaque fois, ils sont souvent crevés. 40 des photos de lui où il dort, quoi. Bon, je, bah, je les garde comme ça le jour où. Et bon, on va les garder, on va les mettre de côté, on va les mettre dans la boîte à dossiers. Merci Cindy en tout cas. Y a pas de problème. Bonne chance pour la suite. Toi. On te retrouve évidemment toujours sur Team BS. Toujours. Dans l'actu, il y a 1, 2, 3 le clip qui va arriver. Oui. Un single pour Cindy, enfin en solo, là, dans les mois à venir. Oui. En studio en ce moment. Le bac est là vendredi. Bon, bref. Voilà, aujourd'hui est 19 ans. L'avenir est radieux. Voilà. Et aujourd'hui 19 ans. Bon anniversaire une merci fois de plus. Beaucoup, merci Fred, à toi merci Cindy. Merci à tout le monde. Bisous bisous à Royan aussi. Oui, à... oui, gros bisous à Royan évidemment. Salut Royan. Salut Royan. Voilà. Faire un gros bisou à mes copines, à Alexandra, à Guillaume, à Léa. Guillaume, ta copine. Non, c'est un ami. J'ai le droit d'avoir, j'ai le droit d'avoir des. Non, mais oui. Non, mais comme t'as dit. Mes copines en incluant certaines bandes, mais si je te dis tout le monde. Là, c'est mort. Voilà, c'est mort. On est d'accord. On a pour deux heures. Des bisous à tout le monde. Merci à toi, Cindy. Merci à toi, on rappelle bisous. Que pour te suivre aussi, pareil sur les réseaux sociaux, oui, il faut Cindy les suivre. Cindy Off sur Insta, Cindy Officiel sur Twitter et sur. C'est tout. Et bah, c'est voilà. Déjà pas mal. Et après, il y a Facebook, évidemment. Et bah, il faut aller cliquer. Merci à toi, Cindy. On va retrouver D-Fool maintenant. C'est parti, c'est la Radio Libre. Bah, oui, exactement, c'est parti pour ce soir. Bon anniversaire, oui. Cindy. Oui, bon anniversaire. Bonjour, Fredo. Je vais fêter ça. Ben, je sais que tu vas évidemment. Fêter ça. Il en faut peu pour fêter quelque chose. Oui, c'est, ah bientôt, bon. C'est bientôt le tien, Fredo. Ah ouais. Oui, dans deux jours. Il y a un moment, j'ai arrêté de compter, donc je sais plus. 50 piges, Fredo. Dans deux jours, les 50 de Fredo. Arrête, le pauvre. Pardon. Mais non. Non, combien? 22? 22, 23. Ouais, 23, c'est ça, 23, t'as 22, raison, toi. Allez. T'as arrêté de compter il y a très longtemps. Hein. On arrondit à 24. Ouais, on arrondit à 24. Demain, on sera là pour la Team BS, la suite à suivre. Yes. Ouais, la semaine Team BS, c'est sur Skyrock. Profitez-en. Et puis, bah là, c'est parti pour la Radio Libre en direct dans un instant sur Skyrock avec vous tous et vous toutes, évidemment, de toute la France. On vous salue. Vous tous qui êtes là, il y a plein de messages qui défilent depuis tout à l'heure. Bonjour à Matt, bonjour à Wati, bonjour à Alonza, bonjour à Planète Rap. Hello. Bonjour Planète Rap. Et salut. Salut. Je suis Planète Rap. Je vois. Bonjour à tous les autres aussi. Vous pouvez débarquer ici jusqu'à minuit. Si vous avez un truc à dire, si vous avez une question à poser, si vous voulez faire les cons avec nous, tout est possible jusqu'à minuit sur Skyrock avec plein de choses à faire, mais on y revient dans un instant. Pour l'instant, vous nous appelez, vous nous laissez vos messages et on te donne rendez-vous demain, Fredo. Yes, demain avec Fababi. Ouais, demain soir. Yep. À pas louper entre 20 et 21. Ouais, juste avant 20h, ça démarre, c'est Planète Rap et dans quelques instants sur Skyrock, la Radio Libre démarre en direct. Ciao, Fred. Ciao, ciao à tous. Ciao.